Oh, qu'en voyez donc au lieu de cela? Cherchez quelque jeune vicaire, quelque vieux curé, au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir. Il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là, quand on lui liera les mains, là, quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu, de l'espèce malheureuse, une ombre, comme il en a déjà entrevu, une unité ajoutée au chiffre des exécutions. On vient de m'apporter de la nourriture. J'essayais de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. »